Si, aussi dès le lendemain à l'aube, Chati alla-t-il proposer sa vengeance à Monaco pour 45 régimes de bananes. 45 régimes de bananes? Mais j'accepte! Oh là là!